Mais plus Frédéric fréquentait Madame Arnoux, plus ses langueurs augmentaient. La contemplation de cette femme l'énervait comme l'usage d'un parfum trop fort. Cela descendit dans les profondeurs de son tempérament et devenait presque une manière générale de sentir, un mode nouveau d'exister. Quant à essayer d'en faire sa maîtresse, il était sûr que toute tentative serait vaine. Cependant, il songeait au bonheur de vivre avec elle, de la tutoyer, de lui passer la main sur les bandeaux longuement, ou de se tenir par terre, à genoux, les deux bras autour de sa taille, à boire son âme dans ses yeux. Il aurait fallu pour cela subvertir la destinée. Et, incapable d'action, maudissant Dieu et s'accusant d'être lâche, il tournait dans son désir comme un prisonnier dans son cachot. Une angoisse permanente l'étouffait. Il restait pendant des heures immobile, ou bien il éclatait en larmes. Et, un jour qu'il n'avait pas eu la force de se contenir, Deslauriers lui dit « Mais saprelotte, qu'est-ce que tu as ?» Frédéric souffrait des nerfs. Deslauriers n'en crut rien. Devant une pareille douleur, il avait senti se réveiller sa tendresse, et il le réconforta. « Un homme comme lui, se laisser abattre, quelle sottise ! Passe encore de la jeunesse, mais plus tard, c'est perdre son temps. Tu me gardes, mon Frédéric, je redemande l'ancien. Garçon, toujours du même. Il me plaisait. Voyons, fume une pipe, animal. Secoue-toi un peu, tu me désoles. » « C'est vrai, dit Frédéric, je suis fou. » Le clerc reprit. « Ah, vieux troubadour, je sais bien ce qui t'afflige. Le petit cœur, avoue-le. Bah, une de perdue, quatre de trouvée. On se console les femmes vertueuses avec les autres. Veux-tu que je t'en fasse connaître des femmes? Tu n'as qu'à venir à l'Alhambra. » C'était un bal public ouvert récemment au haut des Champs-Élysées.